Section 10. Le père Lamy, un des commensaux de la trappe, était demi-philosophe. Il différait de Rancé sur beaucoup de sujets. Il passait pour être l'homme de son ordre qui écrivait le mieux en français. Il avait développé avec clarté les idées de Descartes. Au sujet des études monastiques, il eut une discussion avec Rancé devant Madame de Guise, et Mabillon raconte que Lamy l'emporta sur Rancé. Un ordre de Louis XIV imposa silence au parti. S'il y a des libelles imprimées contre Rancé, il y en a d'autres qui sont restées manuscrites, en particulier une dissertation sur les humiliations par l'abbé Leroy. Elle se trouve à la bibliothèque de Sainte-Geneviève. L'abbé de Rancé répondait « Vous savez combien de fois on m'a fait mort. On a vu que je ne laissais pas de vivre. On s'avise de dire que la vie de l'esprit est éteinte en moi, que véritablement j'ai une âme, mais que je ne raisonne plus. » On le pressait de mitiger la discipline de la trappe. Il répondait par ces quatre mots des Maccabées « Moriamur in simplicitate nostra ». On l'invitait à écrire les devoirs du chrétien comme il avait écrit les devoirs de la vie monastique. Il en traça des pages, puis il s'arrêta, disant « Il ne me reste que quelques instants à vivre. Le meilleur usage que j'en puisse faire, c'est de les passer dans le silence. » Rancé habita 34 ans le désert, ne fut rien, ne voulut rien être, ne se relâcha pas un moment du châtiment qu'il s'infligeait. Après cela, put-il se débarrasser entièrement de sa nature? Ne se retrouvait-il pas à chaque instant, comme Dieu l'avait fait? Son parti pris contre ses faiblesses a fait sa grandeur. Il avait composé de toutes ses faiblesses punies un faisceau de vertus. Selon l'historien de Saint-Luc, Saint-Bernard bâtit son édifice sur le fondement d'une grande innocence. Rancé, sur les ruines de son innocence perdue, mais réparée. Le rhumatisme, qui d'abord lui avait saisi la main gauche, se jeta sur la droite, dans laquelle le chirurgien de Madame de Guise travailla. Cette main devint inutile et contrefaite. Le malade avait une répugnance extrême de toute nourriture. Affligé d'une toux insupportable, d'une insomnie continuelle, de maux de dents cruels, d'enflures aux pieds, il se vit réduit pendant près de 6 années à passer ses jours à l'infirmerie dans une chaise, sans presque jamais changer de posture. Un frère convers, le pressant de prendre un peu de nourriture, Rancé dit avec un sourire « Voilà mon persécuteur ». Il n'employait ses frères, qui regardaient comme un bonheur de le servir, qu'avec une extrême discrétion. Il souffrait la soif, n'osant leur demander à boire, de peur de les fatiguer. Lorsqu'on lui avait donné quelque chose, il en témoignait aussitôt sa reconnaissance par une inclination de tête en se découvrant. Il souffrait des douleurs aiguës que l'on n'aurait pas remarquées si l'on eût aperçu quelque changement sur son visage. Il avait fait mettre vis-à-vis de sa chaise dans l'infirmerie ces paroles du prophète « Seigneur, oubliez mes ignorances et les péchés de ma jeunesse ». Ce fut pendant cette perpétuelle agonie qu'il composa son livre intitulé « Réflexions sur les 4 évangélistes ». Rancé ne rencontra pas toujours des Mabillon. Il eut des adversaires plus ignorants, par conséquent plus sûrs d'eux-mêmes. On lui apporta un matin une satire contre sa personne. Il la lut, loua ce qu'il y trouva de bien et dit « Voilà une excellente préparation pour la messe ». Il allait à l'autel. Dans le remuement des choses, il conservait sa paix. Pendant ses voyages, il se détournait le plus qu'il pouvait des grands chemins. Il suivait des sentiers au milieu des blés, tenant les yeux attachés sur le soleil, prêt à se coucher parmi les moissons. Si par hasard il rencontrait quelque banne, il demandait la permission d'y monter. « Ce serait plutôt à moi, disait-il, de conduire cette charrette qu'à ce paysan, parce que, quoiqu'il soit pauvre, c'est un homme de bien. Moi, je suis toujours le plus malheureux de tous les pêcheurs. » Il avertit ses frères des maux dont la maison était menacée. À l'anniversaire de sa profession d'abbé, des moines assemblés en chapitre firent à genoux cette protestation. Nous protestons de garder notre sainte règle dans toute son étendue. Rancé commença. Il renonça de nouveau au monde pour ne s'occuper que des années éternelles. Les solitaires écrivaient en même temps au pape. Il y a plusieurs années, très saint-père, que nous jouissons d'un grand et précieux trésor dans la personne de notre père abbé. Mais il va nous être enlevé, si votre sainteté ne se hâte de nous secourir. Il va à la mort avec joie. Il ne veut rien prendre de ce qui pourrait réparer ses forces. Il chante avec l'apôtre. Si la maison de terre que nous habitons vient à se dissoudre, Dieu nous donnera dans le ciel une demeure qui durera éternellement. Qu'il nous survive, qu'il nous ferme les yeux. Le cardinal Cibot répondit au nom du pape que sa sainteté ordonnait que l'abbé de la Trappe eût à suspendre des austérités qui compromettaient sa vie. Le 2 de novembre de l'année 1694, Rancé mandait à l'abbé Nicaise « Voilà M. Arnaud mort après avoir poussé sa carrière aussi loin qu'il l'a pu. Il a fallu qu'elle se soit terminée. Voilà bien des questions finies. L'érudition de M. Arnaud et son autorité étaient d'un grand poids pour le parti heureux qui n'en a point d'autre que celui de Jésus-Christ, qui, mettant à part tout ce qui pourrait l'en séparer ou l'en distraire même pour un moment, s'y attache avec tant de fermeté que rien ne soit capable de l'en déprendre. » Ce passage de la lettre de Rancé, si différent de ce qu'il avait écrit à M. de Brancas sur Arnaud, étant connu, ressuscita toutes les ardeurs. Rancé lui-même fut surpris du fracas que causaient ces quatre lignes. Au milieu de cette agitation, il écrivit de nouveau, le 27 janvier 1695, à l'abbé Nicaise. « J'ai reçu depuis 2 jours une lettre de plus de 20 pages de votre bon ami le père Quesnel. Elle est toute remplie d'une dureté et d'une vivacité incompréhensibles. Il prétend me prouver que j'ai flétri le nom de M. Arnaud, que je lui ai donné un coup de poignard après sa mort, que j'ai fait, autant qu'il était en mon pouvoir, une plaie mortelle à sa mémoire, et une infinité d'autres choses plus violentes les unes que les autres. Je n'ai jamais entendu parler d'une imagination aussi extraordinaire. Quand j'aurais écrit un volume contre la vie, la conduite et les sentiments de M. Arnaud, que je me fusse servi pour cela des expressions les plus injurieuses, il ne me traiterait pas d'une autre manière. Il me demande des rétractations et des déclarations publiques, comme si j'avais de mon plein pouvoir rejeté hors de l'Église M. Arnaud après sa mort. Il ajoute que toute la France attend une réparation de ma part, et si j'avais mis le feu à Port-Royal ou que je l'eusse renversé de fond en comble, il ne m'en dirait pas davantage. » Rancé avait raison. Il n'avait pas mis le feu à Port-Royal. Quant à la convenance de ses prévisions, c'était une convenance que se donnent facilement les hommes accoutumés à se servir de la plume. Pour ce qui est du grand Arnaud, dont on ne lit plus les ouvrages, les dernières années de sa vie avaient affaibli le sérieux qui lui servait de bouclier. Caché à l'hôtel de Longueville, déguisé sous un habit gris, l'épée au côté, affublé d'une grande perruque, le vieux janséniste était nourri dans une chambre haute par l'aventurière de la Fronde. Il commettait 1000 imprudences. Madame de Longueville disait qu'elle aurait mieux aimé confier ses secrets à un libertin. Il ne voulait point de paix. Il avait, disait-il, pour se reposer, l'éternité tout entière. Lorsqu'on jouit d'une imposante renommée, il faut éviter les travestissements peu dignes. Au surplus, les vertus de Rancé ôtaient la force à tous ses ennemis. Le père Quesnel même, désavouant la lettre haute qu'il avait écrite à l'abbé de la Trappe, disait « Ce n'est pas seulement parce qu'il y a plus de 30 ans que je fais profession de l'honorer, mais plus encore parce qu'on doit du respect à l'Esprit de Dieu qui règne dans ses serviteurs, de ne les pas contrister, de ne pas nuire à ses hommes en diminuant la réputation des ouvriers qu'il a daigné employer. Je puis bien ne pas convenir de leurs sentiments, ni approuver toutes leurs démarches, mais je ne me dois jamais dispenser de les traiter avec respect. » Les tracasseries continuaient contre Rancé, auprès et au loin, et il disait « Ego sum vermis et non homo ». On voit des couplets contre lui dans le recueil de chansons. Un témoin, ami de Rancé, le père Lenain, nous décrit ainsi ses travaux et les inquiétudes de son monastère. « Qui l'aurait pu croire, dit-il, si on ne l'avait vu de ses yeux ? Cet homme qui semblait ne vivre que de souffrances et de peines, comme s'il eût eu un corps de diamant et tout à fait insensible, ou plutôt s'il eût été un pur esprit, étant toujours dans l'action du matin jusqu'au soir. Il écrit, il dicte des lettres, il compose ses ouvrages, il étudie, il écoute ses religieux, répond à toutes leurs difficultés. Il conduit 80 personnes qui composent sa communauté, tant novices que professes. Il leur donne tout ce qui les regarde, soit pour leur intérieur, soit pour leurs besoins extérieurs. Tantôt il va à l'infirmerie, de l'infirmerie aux hôtes, des hôtes au cloître, et du cloître vers ses frères. Tantôt il visite les cellules pour voir si chacun s'occupe, tantôt il descend au cœur pour examiner avec quelle piété on y célèbre les divins offices, et tantôt il retourne à sa chambre où quelque frère l'attend. Mais souvent il y retourne tellement fatigué qu'il ne peut plus se soutenir sur ses pieds, et à peine y est-il un moment qu'une visite d'hôte l'oblige d'en sortir. Il ne discontinue pas même ses occupations dans le temps destiné au repos. On le voit, entre les matines et primes, faire un tour dans le monastère ou aller à la cour des frères convers, ou parcourir le dortoir pour voir si chacun est couché. Car il disait que ce n'était pas une moindre faute contre la règle de ne se pas retirer pour se reposer sitôt que la retraite est sonnée, que de ne se pas lever aussitôt qu'on entend la cloche du réveil. À ces fatigues du corps, Rancé joignait celles de l'esprit, ressentant dans son âme toutes les peines et toutes les tentations de ses enfants, leurs faiblesses et leurs misères, et comme un autre saint Paul, se faisant tout à tous, il les portait dans ses entrailles. Il était triste avec ceux qu'il était, malade avec les malades, se chargeant par le pur effet de sa charité de tous leurs maux corporels et spirituels. Ses amis lui représentaient qu'il prenait trop de peine pour un monastère qui ne subsisterait pas. Il répondait « La trappe aura la durée qu'elle doit avoir selon les déterminations éternelles. Si l'on s'était conduit dans les âges supérieurs par cette considération qu'il n'y a rien qui ne change, on se serait tenu dans l'inaction. Le champ de Jésus-Christ serait un désert stérile, privé de tous ces grands ouvrages qui en font l'ornement et la beauté. Dieu se moque de la diligence des hommes qui prennent tant de peine pour conserver leur vie à la veille de leur mort. Le serviteur de Dieu fut exposé aux épreuves dont les histoires de ces temps nous parlent, histoires qu'on retrouve dans tous les monastères, et que Rancé avait souvent rappelé dans les vies particulières de quelques-uns de ses religieux. Un jeune possédé avait déclaré que des légions de démons assiégeaient la trappe. On croyait qu'il n'y avait point de solitude vide. On habitait au milieu d'un monde d'esprits, mais ces esprits avaient leur domicile dans les cloîtres. Le merveilleux achevait d'agrandir la poésie. Rancé voyait des bruits aigres et perçants. Ses moines lui racontaient qu'ils éprouvaient la nuit les secousses d'une force étrangère. On entendait dans les dortoirs des tintamarres affreux, comme des personnes qui se battaient. On frappait aux portes des cellules, ou bien il semblait qu'un homme marchât seul à grands pas, une main de fer passait et repassait sur le chevet des lits. Étaient ces souvenirs changés seulement de forme que l'on rencontre dans les élégies de Tibulle, quam juvat imites, vantos audire cubantem. Faut-il attribuer ces effets aux tempêtes de la nuit dans les désolations de la trappe, ou aux illusions de l'astrologie que le père le nain reprochait à Rancé? Était-ce des gestes de cette femme que le père de la trappe avait vu à Véretz, au milieu des flammes? Ou enfin, était-ce le ressac des flots du temps contre le rivage de l'éternité? Rancé se préparait à exorciser la maison, mais vers la fin de l'année 1683, les bruits cessèrent. En ce temps-là, les hommes qui avaient aimé ne croyaient pas que des tombes fussent inhabitées. Les soucis intérieurs de la communauté n'empêchaient nullement Rancé de s'occuper de ce qui se passait au dehors. Il prit une grande part à la mort de la princesse Palatine, arrivé au mois de juillet 1684. Anne de Gonzague de Clèves avait plusieurs fois consulté Rancé sur des difficultés de conscience. Son nom rappelait un charmant ouvrage de Madame de Lafayette, et c'est sur Anne de Gonzague que Bossuet a composé une de ses plus belles oraisons funèbres. Après s'être plongée dans les idées du siècle, idées qui s'éloignaient du temps où elle vivait, la princesse Palatine avait commencé par les idées cartésiennes. De là, elle avait passé à ne plus rien croire, et, ayant achevé le tour du cadran, elle avait remonté elle-même vers la religion, comme plusieurs esprits forts ou libertins de cette époque. Dans son séjour en France, elle avait vu la Fronde, qui, selon Bossuet, était un travail de la France prête à enfanter le règne miraculeux de Louis. « Et qu'avait-il vu ? » s'écrit le grand orateur, rappelant la philosophie de la princesse Palatine. « Qu'avait-il vu ? Ces rares génies plus que les autres. Ils n'ont rien vu, ils n'entendent rien, ils n'ont pas même de quoi établir le néant auquel ils aspirent après cette vie. » Bossuet compte ce que la princesse Palatine raconta elle-même au Saint-Abbé. Une nuit, dit-elle, que je croyais marcher seule dans une forêt, je rencontrai un aveugle dans une petite loge. Je lui demandai s'il était aveugle de naissance ou s'il était devenu par accident. Il me répondit qu'il était né aveugle. « Vous ne savez donc pas, lui dis-je, ce que c'est que la lumière qui est si belle et si agréable ?»« Non, me répondit-il. Cependant, je ne laisse pas de croire que c'est quelque chose de très beau. » Alors il me semblait que cet aveugle changea tout à coup de voix et, me parlant avec autorité, me dit « Cela doit vous apprendre qu'il y a des choses excellentes, quoi qu'on ne les puisse comprendre. » Bossuet, dans son Oraison funèbre, parle de son ami Rancé. Un saint abbé, dont la doctrine et la vie sont un ornement de notre siècle, ravi d'une conversion aussi admirable et aussi parfaite que celle de notre princesse, lui ordonna de l'écrire pour l'édification de l'Église. Elle commence ce récit en confessant son erreur. « Vous, Seigneur, dont la bonté infinie n'a rien donné aux hommes de plus efficace pour effacer leurs péchés que la grâce de les reconnaître, recevez l'humble confession de votre servante. » Anne de Gonzague était une de ces mortelles dont la beauté avait rôdé dans les bois de la Trappe. Elle avait inspiré à Henri de Guise, archevêque de Reims, une passion qu'elle partagea. « Elle se mêla, dit Madame de Motteville, à presque tout ce qui se fit alors. Elle soutint le cardinal de Mazarin, qui n'en fut pas fort reconnaissant. On a une lettre d'elle insérée parmi les lettres de Bussy Rabutin. Malheureusement, on n'a pas les autres lettres qu'elle écrivit à la maréchale de Guébriant, ni le traité sur l'art de juger la vérité des sentiments. Les dames philosophes de ce temps, qui déclinèrent peu à peu vers le matérialisme, commencèrent par être cartésiennes et s'en allaient à Dieu, les pensées inclinées vers la raison, au lieu de les lui remettre comme des fleurs. Anne de Gonzague n'était pas insensible à l'argent. Elle avait reçu des sommes assez considérables pour faire réussir des mariages qui n'eurent pas lieu. Elle ne rendit point ces sommes ou présenta des comptes qui les absorbaient. Après sa mort, la princesse Palatine fut enterrée au Val-de-Grâce, à côté de Bénédicte, sa sœur. Quand on exhuma les corps, les déterreurs insultèrent ses dépouilles, comme on jette au vent des feuilles de roses séchées. Retz dit que la princesse Palatine estimait autant la galanterie qu'elle en aimait le solide, et qu'elle avait autant de capacité qu'Élisabeth pour conduire un État. Rancé, au milieu de toutes ces tribulations, n'avait d'autre refuge que la patience chrétienne. On écrivit contre lui, on prêcha même contre lui, on attaqua sa doctrine et sa conduite, on s'efforça de le faire passer pour un hérétique ou pour un fanatique, on publia qu'il tenait dans son monastère des assemblées contre la religion et contre l'État. La Trappe fut au moment d'être détruite comme Port-Royal. Rancé, au milieu de toutes ses afflictions d'esprit, fut livré à des infirmités qui ne lui permettaient aucun repos. Il fut maltraité de ceux-là même auxquels il avait fait le plus de bien. Arrivé à ce comble de douleur qu'il avait tant désiré pour ressembler à Jésus-Christ son maître, on lui proposait de le guérir par le secours des médecins. « Je suis, répondit-il, entre les mains de Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui l'ôte. Il saura bien me guérir si sa volonté que je vive. Mais pourquoi bon me guérir? À quoi suis-je bon? Que fais-je en ce monde qu'offenser Dieu? » Quand il y avait quelque relâche à ses souffrances et qu'on le félicitait, il disait « De quoi me félicitez-vous? De ce que je suis retenu en prison? De ce que, mes liens étant prêts de se rompre, on m'a chargé de nouveau faire ?» Rancé brûla une quantité de lettres remplies de témoignages d'admiration. Il en conserva d'autres, en marge desquelles étaient écrits de sa main ces deux mots « lettres à garder ». C'étaient des lettres diffamatoires contre lui. Était-ce humilité ou orgueil? Le père de Monti était venu le voir et le força d'appeler un médecin. « Il faut s'écrier comme Job, disait-il, que celui qui a commencé achève de me réduire en poussière. » On le conjurait de quitter pour quelque temps l'air de sa retraite. « J'ai dit en entrant ici, répondait-il, haec requies mea. » À ceux qui lui objectaient le peu de certitude de la durée de la Trappe, il répondait « Elle durera ce qu'elle doit durer. Si dans les âges supérieurs on s'était conduit par cette considération qu'il n'y a rien qui ne soit sujet à la décadence, où en serait aujourd'hui le champ de Jésus-Christ ? Au mois d'octobre 1695, Rancé envoya sa démission au roi. On remarqua ces mots touchants dans sa lettre. « Sire, comme je me sens pressé d'exécuter le dessein que Dieu m'inspire depuis longtemps de passer ma vie dans une retraite austère et de me préparer à la mort, que ma santé qui diminue tous les jours me met dans l'impuissance de donner toute l'application que je dois à la conduite de mes frères, m'avertit que mes derniers moments ne peuvent être éloignés. J'ai cru que le premier pas que je devais faire était de quitter la charge de cette abbaye que je tiens de votre bonté royale, en vous envoyant, comme je fais, la démission pure et simple. » Louis XIV reçut cette démission des mains de M. de Paris. Il dit à l'archevêque « Renvoyez à la trappe le frère porteur de la lettre. Que M. l'abbé examine la chose devant Dieu et qu'il me dise sincèrement ce qu'il croit être le mieux. » L'archevêque de Paris manda à Rancé « Je vous félicite de tout mon cœur, de tous les engagements qui ont accompagné la grâce que le roi vous a faite dans cette dernière rencontre. J'y ai pris toute la part imaginable comme le plus passionné et le plus fidèle de vos serviteurs. » Le roi nomma pour remplacer Rancé Don Zosime, prieur de la dite abbaye et ami de Rancé. Les bulles étant arrivées de Rome le 19 septembre de l'année 1696, le nouvel abbé fut installé le 28 du même mois. L'ancien abbé, pouvant à peine se soutenir, se prosterna aux pieds du nouvel abbé et lui dit « Mon père, je viens vous promettre l'obéissance que je vous dois en qualité de mon supérieur et vous prier de me traiter comme le dernier de vos religieux. » Le père Zosime tomba à genoux et lui répondit « Et moi, mon père, je vous renouvelle l'obéissance que je vous ai vouée dès mon entrée dans cette sainte maison. » Majestueuse abnégation et qui donnait une proportion inconnue à la nature humaine. Ce n'étaient point deux hommes à genoux l'un devant l'autre, c'étaient deux saints appartenant à ces visions que l'on entrevoit dans les enfoncements du ciel. Rancé, devenu simple religieux, continua d'édifier par ses exemples le monastère qu'il avait rendu saint par ses ordres. À Rancé abattu et par conséquent plus puissant, Bossuet continua de s'adresser pour le soulagement spirituel de ses amis. « Je vous recommande, lui écrivait-il, trois de mes principaux amis et qui m'étaient le plus étroitement unis depuis plusieurs années, que Dieu m'a ôté dans 15 jours par des accidents divers. Le plus surprenant est celui qu'a emporté l'abbé de Saint-Luc, qu'un cheval a jeté par terre si rudement qu'il en est mort 1 heure après, à 34 ans. » Don Zosime disparut vite. Un carme déchaussé s'était jeté à la trappe depuis plusieurs années. Il s'appelait Don Gervaise. Ses talents, sa piété, séduisirent M. de la Trappe, et le témoignage de M. de Meaux acheva de le déterminer. Le nouvel abbé, continue Saint-Simon, ne tarda pas à se faire mieux connaître après qu'il eut eu ses bulles. Il se crut un personnage, chercha à se faire un nom, à paraître et à n'être pas inférieur au grand homme auquel il devait sa place et à qui il succédait. Au lieu de le consulter, il en devint jaloux, chercha à lui ôter la confiance des religieux et n'en pouvant venir à bout, à l'en tenir séparé. Il arriva que Don Gervaise tomba dans une faute. L'abbé de la Trappe, épouvanté, le fit chercher partout et craignit qu'il ne fût allé se jeter dans les étangs. On le trouva caché sous les voûtes de l'église et baigné de larmes. Il offrit sa démission. M. de la Trappe, qui jusqu'alors ne l'avait point voulu accepter, l'accepta. Bientôt, Don Gervaise voulut retirer sa démission. Il alla parler à Fontainebleau au père Lachaise, se prévalant d'un certificat que lui avait donné l'ancien abbé et disant que l'esprit de M. de la Trappe était tout à fait affaibli, qu'il avait auprès de lui un secrétaire extrêmement janséniste. Le père Lachaise eut peur, il changea d'opinion sur l'ancien solitaire. Saint-Simon vit M. de Chartres. M. de Chartres en écrivit à Madame de Maintenon. Frère Chauvier, envoyé à la Trappe, assura qu'il avait trouvé tout entier l'esprit de l'ancien abbé. La démission de Don Gervaise fut maintenue. Pendant ce temps-là, Don Gervaise écrivait en chiffres à une religieuse qu'il avait aimée. C'était un tissu de tout ce qui peut s'imaginer d'ordures, et les plus grossières par leur nom, avec de basses mignardises de moines raffolés et débordés à faire trembler les plus abandonnés. Leurs plaisirs, leurs regrets, leurs désirs, leurs espérances, tout y était dit au naturel et au plus effréné. Je ne crois pas qu'ils se disent tant d'abominations en plusieurs jours dans les plus mauvais lieux. Voilà de ces passages qui détruisent l'autorité de la vérité dans les mémoires de Saint-Simon. Imaginez qu'un religieux de la Trappe ose écrire de pareilles choses à une religieuse, même en chiffres, est une telle absurdité qu'on ne saurait le croire. S'il y avait quelque chose de vrai dans toutes ces ribauderies, il serait plus simple d'imaginer que le déchiffreur a voulu s'amuser et amuser ses maîtres. Tous les autres écrivains du temps parlent de Don Gervaise comme d'un homme d'imagination, qui mérita peut-être la sévérité de Louis XIV, mais aucun ne raconte de lui ce qu'en dit Saint-Simon. L'amitié a ses excès, et dans ce temps la parole ne ménageait ni ses pensées ni ses expressions. Le roi, avançant à travers ses démêlés, nomma à l'abbaye de la Trappe Don Jacques de la Cour, après avoir envoyé le père de la Chaise prendre des informations auprès de Rancé. Louis XIV descendait à ces détails de la société d'alors comme Bonaparte entra dans les menues choses de la société d'aujourd'hui. Mais il y avait cela de grand dans la société passée qu'elle s'appuyait à l'autel. Le quiétisme était né dans l'année 1694 et il continua dans sa force jusqu'à l'année 1697. Ce monde, dit Bossuet, semblait vouloir enfanter quelque étrange nouveauté. Il faut aimer, disait ce monde, comme si l'on était sans rédemption et sans Christ. Le nom de Madame Guyon se trouvait mêlé à la controverse. Née à Montargis, elle avait pu voir en naissant le tombeau de Jean l'Aveugle, tué à la bataille de Crécy. Restée veuve à l'âge de 22 ans, elle parut à Paris en 1680. Ce fut pendant ses voyages en province qu'elle se tourna vers les idées mystiques et qu'elle composa le Moyen Cours. Arrivée à Paris, l'archevêque l'enferma par piété dans le couvent de la Visitation au faubourg Saint-Antoine. C'était pendant ce temps-là que le Saint-Archevêque enfermait avec lui bien d'autres femmes à Conflans. Madame de Maintenon, qui se mêlait alors de questions religieuses, avait vu Madame Guyon et la fit rendre à la liberté. Celle-ci rencontra à Saint-Cyr Fénelon et il dériva au quiétisme, renouvellement de l'hérésie des gnostiques. Madame Guyon a laissé des cantiques spirituels et un écrit intitulé « Des torrents ». Ils l'emportèrent. Bientôt s'ouvrirent à Issy, sur le quiétisme, des conférences entre Bossuet et Fénelon, où l'abbé de Rancé fut nommé juge. Mais il n'y vint point. Placé à Vaugirard dans une maison sous la direction de M. de la Chétardie, curé de Saint-Sulpice, Madame Guyon donna une déclaration signée par Fénelon et par M. Tronson, à la fin de janvier 1697. Les Maximes des Saints parurent la même année. Bossuet, à propos des Maximes, disait qu'il lui conteste, à Fénelon, de l'esprit. Il en a jusqu'à faire peur. Les Maximes des Saints furent condamnées à Rome, et Fénelon, avec plus d'habileté que d'humilité, désavoua en chair son ouvrage. Leibniz, parlant du livre de M. de Cambrai, attribue à l'abbé de la Trappe une lettre très solide, dans laquelle il attaquait les faux mystiques. Il s'imagine, disait Leibniz, qu'une fois uni à Dieu, par un acte de foi pur et de pur amour, on y demeure uni tant qu'on ne révoque pas formellement cette union. J'ai remarqué dans ces lettres de Rancé, écrites à l'abbé Nicaise à propos de ses derniers débats religieux, ce beau trait sur Cromwell. Nous voyons un homme vivant jouer le personnage de la mort et d'une faux invisible renverser un trône. Le quiétisme fit plus de ravages en Italie qu'en France. On disait que Rancé pouvait seul répondre au livre des Maximes des Saints. L'abbé de la Trappe en écrivit à Bossuet, qui fit courir sa lettre pour s'appuyer d'une si grande autorité. Le livre de M. de Cambrai, mandait Rancé en 1697, m'est tombé entre les mains. Je n'ai pu comprendre qu'un homme de sa sorte fut capable de se laisser aller à des imaginations si contraires à ce que l'Évangile nous enseigne. « Il n'y a rien, écrivait-il, en même temps à l'abbé Nicaise, qui me fasse plus d'horreur que les extravagances et les dogmes impies que l'on attribue au quiétisme. Dieu veuille que l'on en arrête le cours, que le mal qu'ils ont commencé de faire dans les lieux où ils se sont introduits ne passe pas plus loin. » Le 3 octobre 1689, Rancé disait « Les hommes ne se lasseront-ils jamais de parler de moi ? Ce serait une chose bien douce d'être tellement dans l'oubli que l'on ne vécut plus que dans la mémoire de ses amis. » Cri de tendresse qui rarement échappe à l'âme fermée de Rancé. On sait ce que vous avez écrit contre le monstrueux système du quiétisme, dit Rancet dans une lettre à Bossuet, car tout ce que vous écrivez, monseigneur, sont des décisions. Si les chimères de ces fanatiques avaient lieu, il faudrait fermer les livres des divines écritures comme si elles ne nous étaient d'aucune utilité. Ces lettres de Rancet furent mal reçues. Fénelon avait de nombreux partisans. Ce prélat, dit Saint-Simon, était un grand homme maigre, bien fait, pâle, avec un grand nez, des yeux dont le feu et l'esprit sortaient comme un torrent, et une physionomie telle que je n'en ai point vu qui y ressemblât et qui ne se pouvait oublier quand on ne l'aurait vu qu'une fois. Elle rassemblait tout, et les contrastes ne s'y combattaient point. Elle avait de la gravité et de la galanterie, du sérieux et de la gaieté. Elle sentait également le docteur, l'évêque et le grand seigneur. Ce qui y surnageait, ainsi que dans toute sa personne, c'était la finesse, l'esprit, les grâces, la décence et surtout la noblesse. Il fallait effort pour cesser de le regarder. Un homme qui exerçait un empire aussi puissant sur la société devait avoir des fanatiques. Il a fallu que la Révolution vînt nous éclairer pour que nous comprissions enfin cette expression de chimérique que Louis XIV appliquait à Fénelon.